D'après le journal d'internet sud-coréen Tongelius, la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et 23 autres formations sud-coréennes ont tenu le 18 une conférence de presse aux environs de l'ambassade américaine à Séoul pour publier une protestation revendiquant aux États-Unis de s'engager pour la paix dans la péninsule coréenne. La protestation réclame la conclusion d'un accord de paix coréen-américain, l'interruption parfaite des manœuvres militaires, le retrait des troupes américaines, le retrait de la décision de disposition de SAD, etc. Après la conférence de presse, les formations ont transmis la protestation à l'ambassade américaine.